Crevel aurait pu entasser ces mots littéraires pendant longtemps. Le baron écoutait comme écoutent les sourds dans le commencement de leur surdité. Voyant, à la lueur du gaz, le visage de son ennemi devenu blanc, le vainqueur s'arrêta. C'était un coup de foudre pour le baron, après les déclarations de Madame Olivier, après le dernier regard de Valérie. « Mon Dieu, il y avait tant d'autres femmes dans Paris !» s'écria-t-il enfin. « C'est ce que je t'ai dit quand tu m'as pris Josepha !» répliqua Crevel. « Tenez, Crevel, c'est impossible! Donnez-moi des preuves! Avez-vous une clé comme moi pour entrer ?» Et le baron, arrivé devant la maison, fourra une clé dans la serrure. Mais il trouva la porte immobile, et il essaya vainement de l'ébranler. « Ne faites pas de tapage nocturne, » dit tranquillement Crevel. « Tenez, baron, j'ai, moi, de bien meilleures clés que les vôtres. »« Des preuves ! Des preuves !» répéta le baron, exaspéré par une douleur à devenir fou. « Venez, je vais vous en donner, » répondit Crevel.